À la foire, scène 5, au jeu de Belle. Laure et Olivie sont deux sœurs de 13 ans et 11 ans. Elles aiment bien jouer au baseball et elles sont d'excellentes lanceuses pour leur équipe, les Lynx. Bonjour, mesdemoiselles. Venez, essayez le jeu de balle. 3 balles pour 2 billets. Les prix sont incroyables. Toujours un gagnant. Venez, vous deux. C'est facile. Regarde les beaux prix, Olivie. Il y a de beaux animaux en peluche. Regarde la petite girafe. Elle est si mignonne. Et j'aime bien le chaton gris. Je le veux pour ma collection. Il faut renverser la pyramide de 9 boîtes de métal. C'est facile. Tu peux le faire. Et toi aussi. Allons-y. Ah, bienvenue, mesdemoiselles. Vous avez vos billets? Parfait. Qui va en premier? Moi. Je vais l'essayer. Voici 2 billets. Bravo, mademoiselle. Voici 3 balles. Bonne chance. Laure lance la première balle et la boîte du haut tombe. Bien fait, bien fait. Mais il faut renverser toutes les 9. Vous avez encore 2 balles. Laure lance sa 2e balle et 4 boîtes tombent. Oh là là! Bien fait, mademoiselle. Mais il reste encore 4 boîtes. Laure lance sa 3e balle et les 4 dernières boîtes tombent. Hourra, Laure! C'est formidable! Tu gagnes le chaton gris! L'employé prend le chaton gris et le donne à Laure. Félicitations, mademoiselle! Vous avez de la chance! C'est à mon tour. Voici les 2 billets pour 3 balles. D'accord. Les voilà. Olivie lance les balles. La première renverse 5 boîtes et la 2e renverse 4 boîtes. Fantastique, Olivie! Tu gagnes! La girafe, monsieur. Elle veut la petite girafe. Ouf! Oui! Il prend la girafe et la donne à Olivie. Alors, félicitations, mesdemoiselles. Bien joué. Au revoir. Amusez-vous bien. Mais non, on veut jouer encore. On a beaucoup de billets et je veux d'autres animaux en peluche. Olivie, regarde l'éléphant blanc et noir. Je le veux à tout prix. Et moi, je veux le cheval à côté du tigre. Essayons encore. Oui, absolument. Voici 2 billets, monsieur. Encore 3 balles, s'il vous plaît. D'accord, mais c'est la dernière fois. Et puis, c'est à mon tour. Je veux lancer encore une fois. Ensuite, vous allez jouer à d'autres jeux ou vous allez à la maison hantée, n'est-ce pas? Oui? Mais non! On aime bien votre jeu, monsieur. Le jeu de balle est le meilleur jeu. On reste ici!